nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La metteur en scène et cinéaste Ariane Mouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil, toujours aujourd'hui en activité à la Cartoucherie de Vincennes, est certes très connue comme artiste, mais elle est aussi une militante de gauche et une féministe engagée. En 1998, elle s'est entretenue avec Marie-Christine Navarro dans une belle série d'Avoix nues, dont nous écoutons ici la troisième émission. Ariane Mouchkine, je crois que vous aviez envie d'évoquer aujourd'hui quelque chose qui vous tient à cœur, enfin en tout cas une hantise, la hantise de la redite. Moi je sais que si dans une conversation comme celle qui est la nôtre, je n'ai pas l'impression parfois moi-même en vous parlant de comprendre nouvellement quelque chose ou de découvrir quelque chose, ça veut dire qu'au fond, on ne travaille pas, quoi. C'est-à-dire que peut-être on n'est pas tout à fait dans la vérité, d'ailleurs, aussi. Dès qu'on raconte quelque chose et qu'on ne se le raconte pas soi-même en découvrant un sens plus profond ou nouveau, je pense je m'ennuie. Donc c'est pas une hantise, c'est pas du tout chercher l'inédit ou l'original, mais c'est peut-être tout le temps travailler, au fond. Travailler à... À la découverte ou la redécouverte, à la régénération des choses, oui, qu'elles soient toujours aussi vivantes. Je pense que c'est un acteur d'ailleurs est exactement devant cette obligation difficile, c'est que tous les soirs il doit revivre pour la première fois. et un bel acteur, une belle actrice, ces acteurs et actrices qui au fond y croient et arrivent à raviver les couleurs de leur vision tous les soirs pour être blessés. Ils sont sacrifiés chaque soir, d'une certaine manière. Oui, il y a cet ordre-là. Ils se donnent à manger tous les soirs, disons, mais je pense que c'est pas... Il y a quelque chose dans le sacrifice qui n'est pas... Ce serait un peu redondant de dire ça, je crois. Mais enfin, ils doivent faire ça. Et je pense que dans la vie, au fond, dès qu'on s'arrête, ou dès qu'on se contente, voilà, pas dès qu'on s'arrête, mais dès qu'on se contente de ce qu'on a dit, ben c'est déjà un tout petit peu moins vrai ou moins utile, en tout cas. Et en même temps, Mendès France... disait, vous vous souvenez, il disait en politique, il faut se répéter ou se renier. Et c'est vrai aussi, la répétition des affirmations, des lois, de ses propres lois ou de ses convictions, elle est absolument indispensable. Il y a quelque chose qui est commun, en tout cas, entre la radio et le théâtre, c'est que c'est un art du présent et de l'éphémère. Hein. Oui. La parole, c'est ça, c'est la parole... de ce matin. Ce ne sera pas la même demain, ce n'aura pas été la même hier. Il y a peut-être ça oui, aussi. Oui, mais elle est inscrite quand même. Elle est inscrite. Elle est inscrite sur cette fragile petite bande grise qui tourne devant ce monsieur. Elle est inscrite. Contrairement au théâtre, qui n'est pas inscrit, ou en tout cas la plupart du temps, et qui, quand il est inscrit, n'est plus tout à fait la même chose. Alors que la parole, elle reste quand même la même chose. Et c'est dans cette inscription qu'on a envie de se dire que on n'a pas dit des choses mémorables, mais en tout cas qu'il y a eu une véritable réflexion sur qu'est-ce que c'est que le théâtre, à quoi ça sert, si ça sert à entendre. Enfin, mais bon, je vais pas. Alors à quoi ça sert le théâtre? Moi, je pense que ça sert à ce à quoi sert l'art, c'est-à-dire à garder confiance en l'homme, en l'être humain. Moi, Il n'y a pas que le théâtre. Moi, si je vois un bel acrobate, un bon acrobate, je ne parle même pas d'un bon musicien, mais si je vois, ça me redonne confiance dans l'humanité. L'art redonne confiance dans l'humanité. Même quand il raconte à quel point les hommes sont mauvais. Oui, surtout quand il raconte à quel point les hommes sont mauvais aussi. Pas surtout. Non, pas surtout. Il peut aussi raconter à quel point les hommes sont grands et donner confiance. Ça on peut être grand dans le mal. Mais ça, je trouve que c'est très mode comme ça. Ça, c'est un côté un peu mode, ça, de dire dans Shakespeare, on peut être grand dans le mal aussi. Non, mais pour qu'il y ait mal, il faut qu'il y ait bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est la lutte. Le conflit. Voilà. Hein, donc, c'est justement, je crois que si on ne raconte que le mal, que si on ne raconte vraiment que. Je ne suis pas sûre qu'on fasse toujours de l'art, du meilleur art. Ce n'est pas vrai, ça. Hein, cette soi-disant, ce mépris des bons sentiments, comme ça. Le théâtre est fait de sentiments contradictoires. Il est fait de monstres, de héros, de victimes, de bourreaux. Et on ne peut pas parler que du bourreau. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Et on ne peut pas s'intéresser, il ne faut pas s'intéresser qu'au bourreau. Il n'est pas toujours le personnage le plus intéressant. Je ne le trouve pas. Souvent, la victime est un personnage tout à fait passionnant. Je pense qu'il y a un petit côté... C'est un peu moderne, ça, de toujours la fascination, comme si le mal était plus complexe. C'est pas vrai. Je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a les voix anonymes dans votre théâtre. Il n'y a pas seulement les grands héros. Il y a toutes les voix qu'on n'entend pas d'habitude. Oui. Les voix du peuple. La marchande de poissons, la marchande de légumes, les personnages féminins qui racontent comme ça, qui sont spectateurs de ce qui se passe au-dessus de leur tête. Oui. Mais c'est pour ça que j'aimais beaucoup 93. Parce que c'était un spectacle, justement, avec la lingère, la marchande de légumes, le sabotier, le charpentier. Avec d'ailleurs une certaine naïveté, une certaine... Peut-être didactisme, peut-être que le didactisme n'était pas assez bien digéré, mais il y avait ça justement. Vous venez de parler d'acrobate. Vous dites que quand je vois un bel acrobate, pas seulement l'acrobate, vous dites, oui. Mais quand même, acrobate, c'est peut-être pas un hasard, parce que quand vous parlez des acteurs, quand on parle des acteurs, vous dites en Orient, vous nous avez dit, j'ai rencontré à nouveau l'acteur, vous avez peur qu'il n'y ait plus d'acteurs, c'est aussi votre peur aujourd'hui. Le travail d'acteur, c'est aussi ça chez vous, c'est-à-dire c'est un travail physique. C'est un travail, en tout cas. Un athlète affectif, oui. Comme disait Artaud, oui, mais c'est un travail physique. Qui a pris quelquefois des proportions aussi de douleur, de souffrance. Mmh. Enfin, je pense au Shakespeare, mais il y a ça, oui. Il y a aussi un entraînement physique et mental. Oui, c'est du travail, hein. C'est pas un métier de paresseux, acteur. C'est de la torture, hein, oui. Le travail, parce que c'est ça non, aussi. Non, mais pas du tout. Je dis ça en riant. Oui, je sais, mais je vous réponds parce qu'à force, on le dit en riant, puis après ça reste et on croit que c'est vrai. Il n'y a pas plus de torture à apprendre à être acteur qu'à apprendre à être un bon médecin ou un bon ingénieur du son. C'est parce que ce qui est la douleur pour un acteur ou une actrice, je m'en rends bien compte, c'est que c'est son corps qui est en question. C'est-à-dire, si on dit à quelqu'un, le son que vous venez d'enregistrer, monsieur, vous vous êtes trompé, vous ne l'avez pas bien enregistré, ça ne lui fait pas plaisir, mais ça ne met pas en question sa chair, la couleur de ses yeux, la façon de marcher, lui. Un acteur ou une actrice, c'est ça. C'est que leurs outils, c'est eux. Donc au moment où il y a critique, c'est leur corps qui est cinglé, qui est fouetté. Donc c'est vrai que ça fait mal, ça. Mais il ne faut quand même pas parler ni de torture, ni parce que personne ne nous force à faire ce métier. Et c'est quand même un métier d'un tel privilège. On y connaît de telles joies, de tels éclairs, comme ça, des rencontres, des apprentissages. Donc il ne faut pas parler de torture. Mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose que j'ai... Bon, c'est vrai que parfois, je dis, mais si ça continue comme ça, dans 30 ans, on saura plus ce que c'est qu'un acteur. Et quand je dis que si ça continue comme ça, c'est des choses qu'on voit à la télévision ou même dans certains films, il faut dire, et où on appelle, on voit dans les journaux, un tel, c'est une actrice, un tel, c'est un acteur, et c'est pas vrai, voilà. Il y a des impostures de cet ordre. Ça, c'est vraiment une question. Je me dis, mais la métaphore de l'acteur, l'art de l'acteur, c'est vrai, parfois, dans ma paranoïa, je me dis, oh là là, l'art de l'acteur est aussi en danger que l'art du souffleur de verre. C'est pour ça que vous avez eu besoin d'avoir recours au masque, justement, à un moment donné. Que le masque est venu vous oui, rejoindre. Je pense que le masque s'est imposé comme un outil de formation fondamental. Les premiers masques que nous avions, qui étaient de chez nous, et en même temps extraordinairement orientaux dans leur mode d'utilisation, c'était les masques de la Commedia dell'arte. D'ailleurs, personne ne sait d'où vient la Commedia dell'arte. Les Italiens l'ont pris, l'ont possédé, l'ont fait leur, mais il est fort probable qu'elle est arrivée dans une caravane quelconque du côté du Moyen-Âge. Enfin. Tout à l'heure, on a parlé de la hantise de ne pas se renouveler. La hantise de... Chaque fois que le théâtre chez vous a pris une ampleur, un succès dans un genre, pour aller vite, comme par exemple la création collective, il faut passer à autre chose, il faut se renouveler. Alors on se ressource au grand maître et on se ressource à l'Orient, on revient au texte et ensuite à nouveau, il y a toujours ce va-et-vient permanent. Vous savez, je pense, ce n'est pas qu'il faut, c'est que ça se fait. Je pense qu'on admet bien qu'un peintre ait des époques, non ? Absolument. Et je pense qu'une troupe a des époques. Et que si elle, ou alors si elle faisait, elle commettait ce péché qui est d'essayer d'exploiter son succès, on serait mort depuis longtemps. C'est pas, on se dit pas tous ensemble, bon maintenant il faut qu'on se renouvelle. On s'aperçoit que, tiens, on a changé. J'espère qu'on a mûri, j'espère que... Ou parfois, je peux comprendre que des gens disent, oh mais j'aimais mieux le précédent... Peut-être parce que celui-ci était une sorte de petit saut sur le côté pour prendre un petit peu de distance, s'ébrouer un peu, oser abandonner des choses aussi, ne pas s'agripper à ce qui marche, ne pas... Mais qu'est-ce que c'est le théâtre de notre époque ? C'est servir les maîtres, ça c'est, j'en suis toujours persuadée, mais qu'est-ce que c'est faire du théâtre de notre époque, à notre époque et de notre époque ? Comment représenter notre époque ? Comment représenter notre monde ? Comment appartenir à notre monde ? Si le monde, quelqu'un a dit, si le monde n'est pas dans le théâtre ne sera pas dans le monde. Bon, ça je crois que c'est vitesse, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui a dit ça. Mais c'est vrai. Donc, ça, oui, savoir comment, à quoi on sert, si on ne tente pas, même si on sait très bien que quand une troupe veut se renflouer, et nous l'avons fait, parce que chaque fois qu'on a monté des classiques, on a réussi à payer nos dettes. Les Shakespeare et les Atrides. Shakespeare, les Atrides, Tartuffe, on a payé nos dettes. C'est pas pour ça qu'on le faisait, quand même. Mais vous avez constaté. Mais à chaque fois, on le fait. Bon, très bien. Alors, ça prouve qu'il y a un besoin, et ça prouve que c'est notre rôle aussi. Et nous n'allons pas abandonner ce rôle. Et mon goût me porte aussi à monter Iphigénie, sans un rapport immédiat et évident avec une histoire actuelle. Ah, pourtant. Oui, parce que c'est Euripide, c'est-à-dire parce que c'est un génie, donc il est tout le temps d'actualité. Je me souviens quand je suis venue à la représentation, quelqu'un qui s'est trouvé mal ce soir-là. Ah oui, vous vous souvenez? Oui, oui. Ça m'a frappé parce que c'est vrai que c'était avec Iphigénie, on touchait l'horreur à nu là. Oui. Il y avait quelque chose de l'horreur à nu, surtout quand vraiment. Oui, mais c'était d'une force incroyable. Mais ce malaise qui était fréquent. Avec certains des Atrides, c'était, quand on interrogeait la personne qui avait eu ce malaise, c'était très très souvent en rapport avec... C'était souvent des femmes, oui, c'était ou des jeunes filles d'ailleurs, et c'était jour-là. Souvent des mères et des jeunes filles. Et c'était souvent, les jeunes filles disaient souvent que c'était en rapport avec leur père, la mère disait évidemment que c'était en rapport avec une maladie de leur enfant, ou qu'elles avaient pas... Enfin, c'était, donc c'était tout à fait essentiel. Mais apparemment, ça n'avait rien de politique, comme on dit. Donc, ça touchait quelque chose de l'horreur et du sacrifice. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi réussir à faire que ce qui se passe en ce moment, que le sens, qu'on essaye de donner, de comprendre le sens de notre histoire, de notre monde, et c'est très difficile. On est devant un monde qui est de plus en plus difficile à comprendre, de plus en plus, qui a de, apparemment de moins en moins de sens. Et si on, il ne suffit pas de faire un spectacle qui dise notre monde a de moins en moins de sens. Ça, moi, je pense que ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut le dire, il faut admettre qu'on le voit de moins en moins, mais qu'au fond, peut-être quand même que ce sens, il est, c'est celui-ci, et que c'est un sens insupportable. C'est vrai que c'est s'obliger quand même à travailler sur notre histoire. Avec les moyens du théâtre, c'est-à-dire avec des moyens qui sont des moyens de poésie, de beauté, de lumière et d'émotion. C'est pas la peine non plus de travailler comme si le théâtre n'avait pas à sa disposition ces données-là. Son langage, son écriture. Voilà, son écriture qui comprend évidemment le texte, un texte d'Hélène Cixous, mais quand elle écrit pour le théâtre, elle sait que ce texte va être chair, os, voix, lumière, son des musiques. Et on ne peut pas écrire pour le théâtre si on n'est pas joué au fond. Enfin, c'est ça arrive, mais il faut que le texte soit joué, soit dit. C'est oui, pas un texte pour être incarné. Lu. Oui. Ouais. Non, voilà, c'est un. Hélène dit, c'est un demi-texte. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas hiérarchique, mais elle a tout à fait raison. Elle dit au fond, quand on écrit un texte pour le théâtre, on doit savoir qu'il y a une partie de ce texte qu'il ne faut pas écrire parce que c'est les comédiens qui vont l'écrire avec leur chair. Et donc, c'est ça qui est difficile. Et je crois que c'est ça qui fait que tout le monde n'arrive pas à écrire pour le théâtre. Parce que souvent, des gens qui écrivent pour le théâtre ont envie, ont besoin et sont tentés d'écrire tout. Mais au moment où ils ont écrit tout, eh ben, ça ne peut plus être joué. Et ben, en plus, c'est un texte qui est sans cesse remanié. Oui, il faut un manque. Oui. Il faut qu'il y ait un manque qui complète, oui, qui est complété par l'imaginaire. Mais un manque qui est bien, qui n'est pas n'importe quel manque. Un manque qui aspire, il faut un manque inspirant. Je dirais pas qu'un manque aspirant. C'est-à-dire, c'est un manque qui où vraiment l'acteur sait que c'est là qu'il doit aller et pas forcément ailleurs. Oui, c'est une rencontre déterminante. Vous venez de parler d'Hélène Cixous. Bon, je crois qu'elle est arrivée au moment où vous répétiez les Shakespeare. Elle a assisté aux répétitions qui l'ont beaucoup impressionnée, je crois, des Shakespeare. Et là, vous vous êtes dit, c'est toujours le projet d'ailleurs, une troupe avec son écrivain. Oui. Oui. Et une troupe avec son écrivain qui nous parle d'aujourd'hui, comme vous dites, oui. Avec des textes qui nous parlent, bon, de la tragédie du Cambodge, de la partition indienne, de la ville aujourd'hui, du pouvoir politique aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Tout à l'heure, vous avez parlé du masque et on n'a pas nommé Erhard Stiefel. Alors, c'est vrai, les rencontres. De quoi est faite une troupe? Elle est faite de, au fond, elle est faite de ceux qui restent toute leur vie ensemble, qui travaillent. Je travaille avec Guy-Claude François depuis très longtemps, oui. 60, depuis le Capitaine Fracasse. Je l'ai rencontré presque au début. Oui. Ouais. Je travaille avec Jean-Jacques Lemaître, le musicien, depuis 20 ans. Il est arrivé à Mephisto, lui. Oui. Je travaille avec Erhard depuis Le songe d'une nuit d'été. 68. Donc, 30 ans. Je travaille avec certains du bureau, avec Liliana. Andréone, elle est arrivée au moment de Molière, 78. Réfugiée politique argentine. Voilà, réfugiée politique argentine. Notre gardien de nuit, Hector Ortiz, il est là depuis... avant l'âge d'or, il est là depuis... Probablement comme Liliana. Avant Liliana. Je veux dire, bon, ça, c'est vrai que je n'aurais pas fait les Atrides si je n'avais pas su qu'il y avait Jean-Jacques. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu avec moi un musicien comme lui que je connais, et ça, je n'aurais pas tenté les tragédies grecques. Je n'aurais pas fait spectacle sur l'âge d'or s'il n'y avait pas eu Stiefel. Et qu'est-ce que ça apporte chacun? Et il y a des rencontres, évidemment, voilà, avec les comédiens. Mais c'est plus difficile de les nommer parce que ça va rendre les autres jaloux, mais... on peut, il y a quand même des comédiens qui ont marqué. Tout le monde a marqué parce que c'est un théâtre aussi qui ne repose pas sur le star system. Non. Sur la vedette. Mais non, en même temps, il y a des comédiens qui ont marqué l'itinéraire. Bien sûr, il y a des comédiens qui ont été plus, comme nous disons, plus locomotives que d'autres. Ou pas, ou à différents moments. Comme Bigot. Georges Bigot, par exemple, dans les Shakespeare et dans Sihanouk. Bien sûr. Est-ce que vous avez envie de parler de Philippe Cobert ou pas du tout? Parce que c'était lui qui jouait Molière, c'était un comédien important et qui est ensuite parti pour mener sa vie de comédien metteur en scène et qui est habité par vous. Même si vous n'allez pas voir ses spectacles. Non, j'ai été voir le premier spectacle de Philippe. C'est Dans du Diable. Dans du Diable, que j'ai trouvé un spectacle magnifique. Je n'ai pas été voir les spectacles où il parle beaucoup de moi, paraît-il. Et pas seulement de vous, du théâtre, de la compagnie. Mais je n'ai pas été le voir pour éviter les malentendus. Parce que certaines personnes revenaient en me disant « Mais s'il va le voir, c'est plein de tendresse. » Oui, d'autres revenaient en me disant « Écoute, c'est plein de tendresse, mais il y a des choses qui ne sont pas justes, ça va te mettre en colère, n'y va pas. » Donc, bon, au bout d'un moment, je me disais « Je ne vais pas y aller au risque tout d'un coup de me lever dans la salle en disant « Ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas moi, c'est toi. » Parce que quand on fait le portrait de quelqu'un au théâtre, il faut bien dire, on fait quand même souvent aussi le sien. Donc, je n'ai pas voulu risquer. Alors, je sais qu'il m'en veut de ne pas avoir été voir ce spectacle, mais c'était plus prudent. Mais quand vous parlez des rencontres que vous avez faites de François Stiffel, le maître ou Sixou, chacun a apporté quelque chose de déterminant. Parce que, Guy-Claude François, c'est le décor. C'est l'espace révélateur. C'est l'espace qui laisse le peuplement se faire, qui ne peuple pas d'avance. Ça, c'est... C'est quelque chose que je crois nous avons appris ensemble, Guy-Claude et moi, c'est-à-dire quelque chose qui est que ça soit un vide, mais fertile. Au fond, un spectacle, on aurait toujours de se demander devant quoi est-ce que c'est joué. On peut très bien imaginer, les spectacles sont toujours joués devant un temple, une église ou un temple, en général sous la voûte céleste. C'est déjà le départ. Les Grecs jouaient en plein air, dans un espace qui était quand même consacré, quoi. Bon, à ce moment-là, il faut décider devant quoi est-ce qu'on joue. C'est plus difficile à trouver quand c'est un spectacle en complet veston. C'est un spectacle moderne. Devant quoi est-ce qu'on joue? Mais pas forcément d'ailleurs, parce que lorsque vous aviez monté Norodom Sihanouk, on entrait dans un espace qui était saisissant. Oui, mais c'était devant le peuple cambodgien. C'est ça. Devant ces marionnettes qui étaient tout autour. Je me souviens de toutes ces niches, et on entrait devant ces regards immobile, et là on était imprégné de quelque chose qui était une dimension historique, mais plus qu'historique, sacrée. Parce qu'au départ, ce sont des marionnettes qui représentent des morts, mais c'est en fait tout le peuple cambodgien, vivant et mort. Et mort, oui. Parce que même en ce moment, quand on est dans cet espace vide, il n'y a pas de représentation dans la journée, etc., quand on s'y promène, on sent quelque chose. On sent, je ne sais pas si c'est l'Asie, je ne sais pas si c'est la steppe, il y a quelque chose qui est habité. Oui. Même quand tout le monde est parti. Je pense qu'il y a eu quand même, sur ce décor, il y a eu 7-8 peintres qui, pendant 4 mois et demi, ont peint des Bouddhas, des frises, les yeux. Ça imprègne, ça. Ils n'ont pas pu peindre ces Bouddhas sans quand même se pencher sur la culture tibétaine, sans s'y intéresser, sans en être ému, sans en être imprégné, sans devenir bouddhiste, d'ailleurs. Mais bon. Et en plus, ces Bouddhas, ils sont faits pour quelque chose. Quand on les voit à un mur des 1000 Bouddhas comme ça, c'était fait pour ça. Je veux dire, c'est aussi, quand vous peignez, dans un monastère tibétain, il y a un mur avec 1000 Bouddhas, tous soi-disant presque pareils, mais pas tout à fait. Et qu'il y a comme ça des dizaines de moines peintres qui ont peint ça tranquillement, journée après journée, nuit après nuit. C'est fait aussi pour obtenir un résultat. C'est fait aussi pour faire du bien. C'est fait aussi pour que vous vous sentiez quelque part, pas perdu dans le néant. C'est fait aussi pour que... L'art, c'est fait aussi pour ça. C'est aussi pour vous donner, pour nous donner un objet de méditation, un objet de bien... C'est thérapeutique, l'art est thérapeutique. L'art fait du bien, il fait de nous un peu plus. C'est ce qui fait de nous quand même des humains. Donc, je comprends très bien, moi, que vous vous sentiez bien, parce qu'il y a tellement eu de désir que vous vous sentiez bien chez tous les gens qui ont travaillé sur ce décor. Mais on ne se sent pas forcément toujours bien. On se sent dans quelque chose d'autre. On entre dans une autre. On franchit le seuil et on est mais, dans d'autres choses. Oui, mais déjà, je dirais qu'à la limite, vous vous sentez pas mal quand même. Non, non. Oui, non. Mais je dirais, vous vous sentez, je crois, ailleurs, parce que vous êtes... Parce que tout simplement, vous entrez dans un espace théâtral, théâtralisé, donc un peu sacralisé, forcément. Écoutez, on a beau être athée, quelqu'un est athée, il rentre dans une cathédrale, il y a quelque chose qui se passe quand même. C'est fait pour ça, c'est une technique aussi. C'est fait aussi pour que... on ait plus de mal à penser à sa purée de pommes de terre dans une cathédrale que dans une bonne cuisine qui, elle, est faite pour que la purée de pommes de terre devienne l'essentiel. Et d'ailleurs, elle est l'essentiel. Chez vous, ça coïncide, ça, parce qu'il y a la purée de pommes de terre, elle est d'avant. Absolument, absolument. Et parce que moi, je pense, parce que j'ai besoin, moi, personnellement, j'ai besoin d'une ritualisation de la vie quotidienne, voilà. C'est une maison ici. Oui, j'espère que c'est une fête. C'est-à-dire que je pense que quand on vient au théâtre, vous savez, je me dis ça souvent, à chaque fois que j'ouvre la porte, je me dis, ça y est, ils sont là, quel miracle. Hein, parce que quand on réfléchit à notre époque, venir à 7 heures, payer 120, 50 ou 120 ou même 90 francs, à rentrer, ne pas être resté chez soi tranquille devant la télé, c'est quand même, on vient pour une fête, on vient parce qu'on sait que quelque chose d'autre se produit. La représentation, évidemment, mais un moment aussi, un moment où cette représentation est possible. Être en contact avec autre chose. Oui, bon, souvent les gens le disent comme ça en disant c'est une utopie. Hmm. Une utopie en acte. Voilà, oui, disons que c'est une utopie. C'est pour prouver qu'une utopie est possible. Et vous êtes là tous les soirs, tous les jours. Moi, je suis là tous les jours parce que j'arrive pas à faire autrement. Ouais, j'aime bien ouvrir cette porte. C'est vrai, je crois que accueillir. Oui, j'aime beaucoup c'est ça. C'est vous qui accueillez. Oui, mais j'aime ça. C'est-à-dire que je, enfin, il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée, alors je le fais moins bien. Mais sinon, ça aussi, ça me donne de l'espoir dans l'humanité. Voilà, de voir des gens arriver avec les yeux brillant pour voir du théâtre. Cette émission a été diffusée le 3 juin 1998. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.